les versions de Banjo-Kazooie sur, il me semble, sur les consoles portables aussi, donc il doit aussi avoir quelques secrets. Oui, j'imagine. Mais j'ai l'impression qu'ils sont moins populaires parce que les gens explorent moins un petit peu ces versions-là. Mais oui, Game Boy Advance, il y a, je pense, 2-3 bons jeux de Banjo autour de la même histoire. Donc, beaucoup de choses à découvrir de ce côté-là. Ouais. Génial. Et on retrouve les photos sur assemblagerequis.com. Et je pense que pour te remercier, Samuel. Thank you. Je suis censé l'interpréter comment, mais qu'est-ce qu'on a dit? Thank you. On te retrouve dans 2 semaines. Oui, et je pense que dans 2 semaines, je vais faire un petit spécial vu qu'on va être très près de l'Halloween. Oui. OK, et je pense que je vais faire un petit recensement de Easter egg, mais à caractère horreur. Qui font peur. Je pense que ça pourrait être une bonne idée, ça. Des Easter pumpkins. Halloween pumpkins. Oui, je pense que dans 2 semaines, ça va être ça. Fantastique. On va évidemment suivre ta chronique en début d'émission du Mathieu Plante Show. C'est les mardis à 13h et les jeudis à 16h, donc en début d'émission. Merci encore une fois, Samuel. Et on t'écoute ça aussi. Ça fait plaisir. J'ai oublié de le mentionner la dernière fois, donc je vais le dire cette semaine. Génial Liberté, les lundis à 9h30 du matin. En plein ça. Fidèle au poste. Pas oublier de faire les plugs à la fin. Pas très, très marketing. Donc voilà pour Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. Tiens, tant qu'à se quitter avec une pièce qui vient de commencer, écoutons-la. C'est la pièce Jolly Roger's Lagoon de la trame sonore de Banjo-Tooie. C'est on est merveilleux. Au Mathieu Plante Show. Après ça, ça va être Télévision. Thank you. Dans mes plates, ça, que ça arrête comme ça. Bah. Je voulais de toute façon vous parler de ce que c'était. C'était le premier single du nouvel album de la formation The Returners. Il s'appelle Immune to Silence. C'est sorti hier le 20 octobre. On peut entendre donc la chanson d'ouverture qui vient de jouer, qui était elle-même un remix, un medley en fait, de plusieurs pièces de chansons de Final Fantasy VI sur la Super Nintendo. On a entendu Sea and Steam, ensuite The Unforgiven, Decisive Battle, Searching for Friends, Battle Theme, Victory Fanfare et Lux Theme. Donc un mélange de pièces de Final Fantasy VI sur l'album Immune to Silence par The Returners. C'est vraiment dommage que ça arrête en plein milieu comme ça, mais c'est pas grave, ça va quand même nous amener à la chronique Television Television. We'll be right back. Television, la chronique télévisuelle du Mathieu Plante Show. Commençons au Québec avec des nouvelles d'émissions d'ici qui sont nominées pour des prix. Ben oui, belle récolte pour le Québec aux International Emmy Awards en plus de 30 vies qui apparaît dans, pour une deuxième année dans la catégorie meilleure télénovela. Claude Legault décroche une nomination pour son rôle de Ben Chartier dans 19-2 dans la catégorie meilleur acteur pour l'épisode de la tuerie dans l'école secondaire qui ouvrait, je crois, la saison 2. En ce qui concerne 30 vies, on parle de la saison mettant en vedette Karine Vanas. La quotidienne se mesure à des productions provenant du Portugal, des Philippines et du Brésil. D'ailleurs, Brésil qui était gagnant de l'an dernier. Karine Vanas, qui est maintenant connue à l'international pour sa participation dans la série Vengeance, Revenge, ne nuira certainement pas à la candidature de cette personne, donc, d'avoir ce rôle-là. C'est sûr que ça l'a fait connaître. L'Académie lui a demandé de présenter un prix à la cérémonie le soir du 24 novembre prochain au Hilton New York Hotel. L'an dernier, des membres de l'équipe, dont Fabienne Larouche et plusieurs autres, s'étaient rendus à New York pour assister à la cérémonie. 30 vies qui n'avaient pas gagné, mais cette nomination a permis à Aetios Productions de s'illustrer sur les marchés internationaux. Des producteurs allemands travaillent présentement sur une adaptation de 30 vies, alors que la France s'intéresse à Unité 9. Les International Emmy Awards récompensent chaque année les productions étrangères. Et dans sa catégorie, Claude Legault affronte d'ailleurs le Britannique Stephen Dillon, vedette de Tunnel, de même qu'un Argentin et un Chinois. C'est un article de Du Soleil, voilà, Du Soleil. Ensuite, Radio-Canada va enrichir la programmation de ses chaînes avec des émissions de National Geographic. Radio-Canada a noué une entente avec Fox International Content Sales permettant de rendre accessible la collection des productions de National Geographic de Fox International Channels à un plus grand nombre de téléspectateurs, étudiants et professeurs du Canada. Radio-Canada a acquis plus d'une centaine d'heures de documentaires de National Geographic destinés à la chaîne Ici Explora à compter de janvier 2015, au moment où Ici Explora inaugurera une nouvelle case horaire en heure de grande écoute exclusivement consacrée aux productions de National Geographic avec une série de 6 documentaires sur les grands félins. Plusieurs documentaires en cours de production sont également susceptibles d'enrichir la programmation de Découverte, La Semaine Verte, Zone Doc et Grand Reportage. Ce partenariat permettra également à Curio.ca de proposer 200 heures de documentaires de National Geographic qui ont déjà été diffusés sur Ici Explora, en plus d'heures additionnelles acquises spécifiquement pour la plateforme éducative de Radio-Canada qui offre aux enseignants du primaire, du secondaire, du collégial et des cycles universitaires la possibilité de faire visionner à leurs étudiants des contenus vidéo et audio dans un contexte pédagogique. Dans le cadre de cet accord, Radio-Canada et National Geographic Channels International ont convenu de poursuivre le développement de la coproduction de contenus sur des sujets en résonance avec les intérêts des deux partenaires. La vie de l'astronaute Chris Hadfield pourrait devenir une sitcom sur ABC bientôt. Chris Hadfield qui va donc entrer dans un tout nouvel univers, la télévision américaine. Son livre de 2013, Astronaut's Guide to Life on Earth, présentement est en train d'être développé comme sitcom sur le réseau américain ABC. La série qui n'a pas encore de nom, un article du National Post avait dit que le nom de travail était Mission Control. On a confirmé que c'était pas le cas. Il y a juste pas de titre. Donc, on va mettre en vedette un astronaute qui va compléter son dernier devoir, sa dernière mission dans l'espace et va devoir faire face à son retour sur la Terre. La sitcom qui est une comédie familiale au sujet d'un astronaute qui revient de l'espace et qui trouve ça difficile de revenir dans sa vie domestique. C'est la plus grande mission qu'il a jamais vécue. Hadfield va être producteur consultant sur le pilote, évidemment pilote, excellent jeu de mots d'espace, et ça va être écrit par Patrick Shoemaker de l'émission Surviving Jack, ainsi que Justin Halpern, que vous connaissez peut-être, c'est lui qui avait inspiré, qui était responsable pour le livre qui avait inspiré, en fait, c'est super compliqué, qui avait inspiré la série télé Shit My Dad Says, qui était inspiré d'un fil Twitter. Ça a été un flop total, ça mettait en vedette William Shatner, ça avait vraiment pas fonctionné. Donc là, on essaie autre chose. En plus d'avoir écrit le livre qui est rapidement devenu un meilleur vendeur, un best-seller du New York Times, présentement, Chris Hadfield vient de débuter son séjour en tant que professeur à l'Université de Waterloo. Son deuxième livre, You Are Here, Around the World in 92 Minutes, est présentement disponible. Jay Leno va animer une émission sur l'automobile qui va faire donc Jay Leno son retour à la télévision en soirée. Son nouveau projet de l'animateur donc du Tonight Show, temporairement intitulé Jay Leno's Garage, s'inspire de la série gagnante d'un Emmy, une série qui était diffusée sur le web. Elle sera donc celle-là diffusée sur les ondes de la chaîne spécialisée CNBC à compter de 2015. La date précise de son entrée en ondes et sa fréquence de diffusion n'ont pas encore été déterminées selon la chaîne. L'émission d'une heure permettra à Leno de partager sa passion pour tout ce qui touche l'automobile, incluant les meilleurs investissements, la valeur et le marché des collectionneurs. Évidemment, c'est une chaîne spécialisée en affaires CNBC, donc ils doivent éventuellement avoir un petit contenu d'affaires. Leno a précisé que l'émission traiterait de tout ce qui roule, explose et fait du bruit. Et on veut souligner la passion et les histoires derrière les hommes et les femmes qui ont fait de l'automobile la plus grande invention du 20e siècle. L'animateur de 64 ans, bien connu pour son intérêt pour l'automobile et possédant une vaste collection de voitures, a animé une émission spéciale d'une heure sur CNBC au mois d'août. Elle s'appelait Jay Leno's Garage, The Ultimate Car Week. Ça avait marqué son retour à l'animation après son départ du Tonight Show en février 2014. Ça fait déjà quand même longtemps, mais ouais, pas tellement regretté finalement, Jay Leno, hein, au Tonight Show. Rob Lowe retente sa chance à la télévision. Vous connaissez probablement Rob Lowe pour sa participation à l'émission À la Maison-Blanche de West Wing, Frères et Sœurs, Parcs et Loisirs, Parks and Recreation et Californication. Donc, l'acteur américain Rob Lowe espère participer à la rentrée 2015 de NBC et a accepté le premier rôle d'une comédie, celui d'un homme narcissique qui tente de se racheter auprès de ses enfants. Encore sans titre, le projet de NBC et de Rob Lowe se centrera sur un homme impulsif et égoïste, nouvellement sobre de retour dans sa ville natale. Bien décidé à devenir un père exemplaire, il retrouve ses enfants, des adolescents qu'il avait abandonnés 10 ans plus tôt et tente de se réconcilier avec son ex-femme. Rob Lowe avait déjà essayé la saison dernière de décrocher le premier rôle d'une série sur NBC avec The Pro, mais la chaîne avait préféré faire impasse sur ce pilote. Maintenant, Eva Longoria, parlant de vedettes qui reviennent à la télé, l'actrice s'apprête à réaliser une série inspirée du folklore et de la mythologie latine. Selon le site web Deadline, l'ex-star de Beauté désespérée aurait en effet co-créé une série axée sur les traditions latines. La première saison sera inspirée de l'histoire de Lorona, où la femme en pleure. Située au sud-ouest des États-Unis, l'histoire relatera les aventures de détectives instables qui enquêtent sur une femme accusée d'avoir noyé ses enfants. La série représente le dernier projet de réalisation pour Eva Longoria, qui est actuellement productrice déléguée sur la série américaine Devious Maids. Fox va refaire Big comme émission de télé. Oui, Big, le film avec Tom Hanks. Donc, la comédie des années 80, Big, mettant en vedette Tom Hanks, est présentement en cours de développement en tant que comédie d'une demi-heure par les écrivains Kevin Beagle et Mike Royce, les créateurs de la série Enlisted, qui n'a pas duré très longtemps sur Fox récemment. Ça se passait dans l'armée. C'était très, très recommandé par la critique, mais très peu recommandé par les téléspectateurs qui ont juste pas regardé. Hein. Mais Big continue la tradition, le changement de direction graduel chez Fox, un réseau qui essaie de faire des émissions qui vont plaire plus à toute la famille. Donc, Beagle et Royce vont se séparer, ils se sont séparés le crédit, oui, d'une variété d'émissions comme Men of a Certain Age, Cougar Town et Lucky Louie. On prévoit faire une émission avec une durée limitée, donc le style modèle câblé, genre HBO, une série de 10 petits épisodes. Et après ça, s'il y a de quoi, on reviendra. Mais tu sais, ce sera pas une sitcom de 22 épisodes par saison. La comédie a présentement ce qu'on appelle un script plus penalty commitment, c'est-à-dire un script et une punition pour le réseau si jamais ils choisissent de ne pas l'utiliser sur les ondes. Ça va être un événement série basé sur le film qui va explorer ce que c'est d'être un adulte et ce que c'est d'être un enfant. Bien sûr, on se rappelle dans Big, c'était un enfant qui se retrouvait dans la peau d'un homme. Donc, l'émission est une des nombreuses adaptations télévisuelles qui ont lieu en ce moment sur les grands réseaux. On a parlé dans le passé de Minority Report, rapport minoritaire sur Fox, ainsi que Real Genius et Problem Child sur NBC, qui étaient toutes les deux adaptées de d'autres films dont les noms m'échappent. Problem Child, je me rappelle plus c'était quoi. Enfin bref. Le nouveau service en ligne de HBO ne sera pas offert au Canada. Tout le monde a entendu parler cette semaine. Ça a fait le tour que HBO allait offrir une application où on allait pouvoir regarder leurs émissions sur tablette et Internet et n'importe où. Mais l'annonce de HBO voulant que son service de vidéo en ligne soit offert sur abonnement aux États-Unis, permettant aux téléspectateurs de regarder des émissions comme Game of Thrones, Trône de fer et True Detective sans passer par un câble au distributeur pourrait éventuellement faire mal aux entreprises canadiennes qui diffusent actuellement ces séries. Bien que le service HBO Go ne sera pas immédiatement offert au Canada, l'annonce démontre que la chaîne est prête à suivre un nombre grandissant de téléspectateurs qui annulent leur abonnement au câble en faveur de services comme Netflix. Cette décision de HBO pourrait éventuellement toucher le marché canadien, mais ça ne se fera pas autant avant au moins plusieurs années, compte tenu du contrat de distribution qui lie la chaîne à Corus Entertainment et à Bell Media jusqu'en 2018 minimum. Le grand patron de HBO, Richard Pepler, a indiqué aux investisseurs de sa société mère Time Warner qu'il souhaitait cibler les 80 millions de foyers américains qui n'ont pas HBO, mais qui pourraient être intéressés par les émissions de la chaîne. Depuis son entrée en ondes en 72, les câbles distributeurs exigent de leurs abonnés qu'ils s'abonnent à des forfaits coûteux pour obtenir la chaîne, un peu comme Super Écran. Même s'il y a juste la chaîne HBO qui les intéresse. Lorsque HBO a lancé le service en ligne HBO Go aux États-Unis il y a 4 ans, ses abonnés devaient quand même payer pour le forfait télé. Ce qui est complètement absurde. Mais un nombre croissant de téléspectateurs ont choisi de couper le câble, couper le cordon, comme on appelle, et de consommer leur contenu télévisuel exclusivement sur Internet. Je ne vous apprends rien. Le mois dernier, Bell Media a conclu une entente avec HBO pour les droits canadiens du catalogue d'émissions de la chaîne, incluant Sex and the City et The Sopranos. Donc, il va y avoir tout plein de conditions comme ça qui vont faire que ça va être vraiment difficile, avant un bon moment, d'amener tout ça au Canada. Justement, le lendemain, 24 heures après environ, CBS a aussi annoncé le lancement de sa programmation sur Internet. La chaîne CBS s'inscrit désormais dans le mouvement de désabonnement du câble alors que l'entreprise annonce le lancement d'un service de diffusion en ligne qui, pour 6 $ américains par mois, offrira un accès à ses émissions actuelles et passées. Comme je sais, c'est à peine 24 heures après le dévoilement de HBO. Donnez-moi 2 secondes, ça ouvre finalement. Ben non, laisse donc faire. Donc, c'est... des fois, les nouvelles ont de la misère à ouvrir. Cette nouvelle survient 24 heures après que le câble distributeur HBO eut fait savoir qu'il offrirait un service similaire dès l'an prochain. Les Américains se tournent de plus en plus vers les médias numériques pour regarder la télévision et les films. On sait, on a déjà dit que 45% des Américains écoutent en fait la télé au moins une fois par mois. Selon la firme de recherche eMarketer, cette proportion devrait passer à 53% d'ici 2018, soit 175 millions de personnes. 45% des Américains qui écoutent en fait de la télé au moins une fois par mois sur Internet, je pense. Phrase drôlement construite. S'exprimant par communiqué, le président de CBS a affirmé qu'en raison du changement des habitudes de consommation télévisuelle, il était nécessaire de s'adapter aux demandes modernes pour offrir du contenu télévisuel. 15 émissions présentées à l'heure de grande écoute comme The Good Wife, une femme exemplaire, et Survivor, Koh-Lanta en français, genre, seront disponibles au lendemain de leur diffusion sur ce service appelé CBS All Access. Les abonnements à ce service incluront la capacité d'écouter en direct les stations de CBS dans 14 régions différentes, en vue d'écouter les saisons précédentes d'émissions actuelles, ainsi que les anciennes séries de CBS et de d'autres réseaux comme Twin Peaks. Cool, hein? Et Cheers. Il sera cependant impossible d'obtenir la diffusion en direct d'événements sportifs. Il n'y aura pas de NFL là-dessus. Aucunement. C'est un autre contrat. Les 10 saisons de Friends entre amis, bientôt sur Netflix. Les nostalgiques de la série entre amis pourront bientôt retrouver leurs 6 amis sur Netflix. Le service de vidéo en ligne a annoncé que les 10 saisons de la comédie à succès seraient disponibles au Canada et aux États-Unis le 1er janvier. La populaire comédie sera alors offerte sur une plateforme de vidéo en ligne pour une toute première fois. Entre amis qui compte 236 épisodes diffusés entre 1994 et 2004 célèbre cette année son 20e anniversaire. L'annonce de Netflix était accompagnée d'une nouvelle vidéo du groupe The Rembrandts. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pense que oui. On va écouter cette vidéo-là à l'instant. Ça vous dérange pas? Pendant que je vous dis de retrouver tout le reste des articles sur assemblagerequis.com. The Rembrandts. MPS, le Mathieu Plante Show. Pas tout à fait chip-tune, hein, ça. Told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love lost you away. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you, 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work began at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world is brought down to your knees, that I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you, 'cause you're there for me too. You're the only one who knows what it's like to be me. Someone to face the day with, make it through all the rest with. Someone I'll always laugh with, even at my worst, I'm best with you. like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. Cause you're there for me too. The Rembrandt, c'est I'll Be There For You, version acoustique. Dans le vidéoclip, on retrouve James Michael Tatter qui interprétait Gunther, le gérant de la chasse galerie, bravo, du Central Perk. Pas nécessairement le même calibre. D'ailleurs, si vous remarquez dans la petite vidéo que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com, on vous montre clairement l'environnement du Central Perk, le café où se passait entre amis. Ils ont recréé le café à New York récemment pour une campagne promotionnelle pour le 20e anniversaire. Et c'est là qu'ils ont filmé ça et on voit les articles promotionnels qu'il y avait dans le Central Perk à New York récemment. Donc c'est là que ça a été tourné. On voit la Geller Cup et un paquet d'autres objets que je mentionnerai pas parce que c'est juste les fans de Friends qui vont comprendre. Mais allez voir la petite vidéo. C'est sympathique et je pense que les gars de Rembrandt ont absolument rien fait d'autre depuis. Donc ils doivent être vraiment écœurés de jouer cette chanson-là puis je les plains. Que voulez-vous? Voilà, c'est tout pour Télévision, Télévision. Oui, on est revenu pour ça. Allons-y avec une autre chronique. Tiens, plus de Télévision, Télévision. Embarquons dans Merci, Science. C'est Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister. Commençons avec les chercheurs qui ont identifié une nouvelle catégorie d'acides gras produits par le corps humain qui aurait des effets protecteurs contre le diabète. Les auteurs d'un article publié dans la revue Cell ont constaté qu'en donnant de nouveaux lipides à des souris de laboratoire modifiées génétiquement afin qu'elles développent l'équivalent du diabète adulte, sont vraiment fins de leur donner le diabète. Bref, celles-ci affichaient une réduction de leur niveau élevé de sucre sanguin. Les chercheurs ont parallèlement déterminé que les personnes ayant une teneur très basse de ces acides gras avaient un risque inversement proportionnel de diabète. Ils ont aussi découvert que ce type de lipides était de niveau élevé chez des souris résistants au diabète. Tout ça suggère, bref, que de tels lipides pourraient être utilisés à des fins thérapeutiques contre le diabète, estiment les scientifiques ayant mené cette étude, une équipe de l'Institut Salk à La Jolla, en Californie, et du Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston, au Massachusetts. Les niveaux élevés de ces lipides paraissent être liés à des effets bénéfiques chez les souris comme chez les humains. En se basant sur leur biologie, on peut ajouter ces lipides à la petite liste de bons lipides. Ces acides gras sont étonnants car ils peuvent aussi réduire les inflammations, ce qui laisse penser que, outre le diabète, on pourrait découvrir des possibilités d'utiliser ces molécules pour combattre les inflammations chroniques comme la maladie de Crohn et l'arthrite. Les lipides présents dans le sang, comme le mauvais cholestérol, sont en excès liés à des maladies cardiovasculaires. Et ces dernières années, les chercheurs ont mis en évidence que certains lipides étaient au contraire bons pour la santé, tels les oméga-3 qu'on peut retrouver dans les poissons gras et quelques huiles végétales. Cette nouvelle catégorie de lipides, les FAFA, n'avaient pas été identifiés jusqu'alors dans les cellules et tissus parce que leurs concentrations sont très faibles, ce qui les rend difficiles à détecter. Espérons que cette découverte permettra le développement de nouvelles thérapies capables de doper la capacité de l'organisme humain à contrôler le sucre sanguin. Les chirurgiens dentistes font écouter de la musique à leurs patients dans la salle d'attente pour diminuer leur stress. Une étude menée par des anesthésistes américains montre qu'écouter du jazz après une opération contribue aussi à réduire le rythme cardiaque et à limiter l'anxiété. Donc, il y a de la musique avant et de la musique pendant et de la musique après. Donc, c'est ce qui ressort d'une petite étude présentée lors du congrès américain annuel d'anesthésiologie qui vient de se clore à la Nouvelle-Orléans. Pour gérer les douleurs post-opératoires, les chercheurs notent aussi que les casques anti-bruit ont fait leur preuve lors de l'étude. Les anesthésistes donnent des antidouleurs à leurs patients juste après l'intervention, mais certains de ces médicaments peuvent entraîner d'importants effets secondaires, nous disent-ils. Le docteur Austin et son équipe ont fait appel à 56 patientes volontaires qui devaient subir une hystérectomie. Donc ça, c'est l'ablation de l'utérus. On a fait écouter du jazz à 28 d'entre elles suite à l'opération, alors que l'autre moitié du groupe testé devait porter un casque anti-bruit. Les chercheurs ont mesuré le rythme cardiaque, la tension, la douleur et le niveau de stress des patients pendant 30 minutes après l'opération, en comparaison avec les données collectées juste avant de proposer ces casques aux patientes. Il en ressort que le rythme cardiaque des deux groupes de femmes baissait considérablement, mais que celles qui écoutaient du jazz affichaient un rythme cardiaque plus bas que les autres après 20 minutes d'écoute. En revanche, celles qui portaient des casques anti-bruit rapportaient moins de douleurs que l'autre groupe après 10 minutes de port. Il est donc évident que la musique ainsi que le silence sont des moyens abordables non évasifs et qu'ils peuvent accroître la satisfaction des patients. Aux États-Unis, une équipe de chercheurs de l'Université de Stanford a créé un détecteur pour batterie lithium-ion capable d'avertir l'utilisateur en cas de surchauffe et de risque d'incendie. La technologie pourrait être facilement incorporée dans les batteries existantes, que ce soit celles des appareils électroniques, des automobiles ou des avions. Ces dernières années, plusieurs accidents causés par la surchauffe ou l'incendie d'une batterie lithium-ion ont fait la nouvelle, suscitant peurs et rumeurs. L'Université de Stanford vient de présenter une technologie pour prévenir les risques de surchauffe et d'incendie. Il s'agit d'un détecteur intégré à la batterie qui avertit l'usager bien avant qu'un accident se produise. Dans l'article scientifique qui vient d'être publié dans Nature Communications, l'équipe de chercheurs à l'origine de ces travaux explique où réside le problème et comment elle est parvenue à y remédier. Bien que très performant, le lithium a un gros défaut, c'est qu'il est instable. Dans les cycles décharge et charge-décharge, ce métal gonfle et se contracte, provoquant des fissures à la surface de l'anode et des excroissances qu'on appelle des dendrites. Celles-ci peuvent endommager le séparateur en polymère qui isole l'anode et le cathode tout en laissant circuler la solution électrolyte où circulent les ions. Si c'est le cas, il y a un court-circuit qui se produit et ça peut déboucher sur l'incendie, voire l'explosion de la batterie. Alors, on a déjà vu des photos de gens qui avaient eu leur téléphone qui avait explosé dans leur poche. Ce type de court-circuit est susceptible de se produire si la charge de la batterie est trop rapide ou si celle-ci est exposée à une température trop basse. Le détecteur imaginé par les chercheurs de Stanford est capable de déceler la formation de dendrites et de sonner l'alarme avant qu'elle ne présente un risque pour la batterie. Ils ont déposé une couche de cuivre de 50 nanomètres d'épaisseur sur l'une des faces du séparateur en polymère qui s'intercale entre l'anode et le cathode. Le cuivre agit comme une troisième électrode qui mesure l'écart de tension électrique entre l'anode et le séparateur. Lorsque les dendrites sont assez longues pour atteindre la couche de cuivre, la tension tombe à zéro. C'est un signal que la batterie devrait être retiré avant que les dendrites n'atteignent la cathode et provoquent un court-circuit. Un message s'afficherait alors sur l'écran du terminal où un signal sonore pourrait retentir si c'était dans un avion, une voiture, peu importe. Donc, que de bonnes nouvelles pour le futur des batteries et empêcher d'avoir une explosion d'en face. Et finalement, des chercheurs de l'Université de Chalmers en Suède ont mis au point une prothèse robotique contrôlée par des implants neuromusculaires. Plutôt que d'utiliser les contractions musculaires pour contrôler sa prothèse, son porteur peut l'utiliser grâce à son système nerveux. Pour la première fois, les prothèses robotiques contrôlées via des implants neuromusculaires sont devenues une réalité clinique. Une équipe de scientifiques a conçu un système d'implants ostéo-intégrés directement relié aux os, aux nerfs et aux muscles. Une connexion directe au système nerveux qui offre davantage de contrôle au porteur. Jusque-là, les prothèses robotiques se contentaient de réagir aux contractions musculaires. Le premier porteur de cette prothèse, est un homme amputé du bras droit il y a plus de 10 ans. On a utilisé donc l'ostéo-intégration pour créer une fusion stable sur le long terme entre l'homme et la machine, nous dit l'article publié dans le Journal Science Translational Medicine. Le bras est relié directement au squelette, ce qui lui assure une stabilité mécanique. Ensuite, le système de contrôle biologique du corps humain, à savoir les nerfs et les muscles, est relié à l'interface de contrôle de la machine par le biais d'électrodes neuromusculaires. Ça crée une union intime entre le corps et la machine, entre la biologie et la mécatronique. Parmi les avantages, on retrouve une augmentation des amplitudes de mouvement, la possibilité de porter la prothèse en permanence, donc toute la journée, une douleur réduite et des plaies moindres par rapport à une prothèse qui se limite aux contractions musculaires ou encore tout simplement davantage de coordination de mouvement du fait de la connexion avec le système nerveux. La prochaine étape pour les chercheurs va être de créer une connexion dans le sens inverse pour que la prothèse puisse envoyer des signaux au cerveau et pas seulement l'inverse. Les expériences cliniques allant dans cette direction vont prochainement débuter. Au final, le porteur de la prothèse devrait pouvoir retrouver une sensation de toucher, un élément qui manque aujourd'hui et qui empêche notamment de s'assurer une prise parfaite et précise des objets, puisque le patient ne sent rien lorsqu'il touche ou saisit quelque chose. C'est une nouvelle de Clubic Mag que j'aime particulièrement. Voilà pour Merci Science. Excellent. On va faire un bloc sur les nouvelles technologiques plus en général. On sort de la médecine, de la fusion entre la science et la technologie pour parler juste d'ordinateurs et de jeux vidéo dans le prochain bloc CNX. Mais avant ça, on retourne entendre de la musique chiptune. Et là, en fait, aujourd'hui, on a entendu pas mal de musique qui n'était pas chiptune. À date, on a entendu une chanson tirée d'un jeu vidéo. On a entendu une chanson inspirée d'un jeu vidéo, celle sur Final Fantasy. Là, on a aussi entendu une chanson par rapport à une émission de télé, les Rembrandts tantôt. Maintenant, je vous dirais qu'on va l'entendre. L'album Naughty Bits par Glenn Tye. Voici l'extrait Fuck Yeah Race Cars. Oh yeah! MPS, le Mathieu Plante Show, assez fou. Yes, number one, Jam Party Omahawk. Et ça, c'est une chanson avec des extraits du site web homestarrunner.com que j'aime beaucoup. Donc, l'extrait sur assemblagerequis.com, bien sûr. Maintenant, parlons de technologie. Voici Cynix. Cynix, la tech.com. C'est le bulletin Geek CNX où on fait le survol des nouvelles technologiques qui se sont passées depuis les 7 derniers jours. En fait, je vous dirais que c'est pas mal plus des nouvelles sur le futur que des nouvelles sur les 7 derniers jours parce que j'essaie de ne pas parler des choses dont vous avez de toute façon déjà entendu parler ailleurs, hein, vous l'avez compris. Commençons donc avec des avancées technologiques un petit peu. Après Illumiroom qui élargissait l'action d'un jeu vidéo à la surface d'un mur, Microsoft Research a dévoilé une évolution de ce système de réalité augmentée baptisé Room Alive. Ce nouveau prototype emploie 6 capteurs Kinect couplés à autant de vidéoprojecteurs pour transformer l'intégralité d'une pièce en un écran interactif. Donc en mai 2013, reculons un petit peu, Microsoft Research a dévoilé le projet Illumiroom, un concept de réalité augmentée capable de projeter l'action d'un jeu vidéo sur le mur derrière le poste de télévision. Le système reposait sur un capteur Kinect couplé à un vidéoprojecteur, le tout étant installé en face de l'écran. L'objectif était de renforcer le sentiment d'immersion du joueur en augmentant son champ de vision. À l'époque, les spéculations allaient bon train quant à une commercialisation d'Illumiroom aux côtés de la nouvelle console Xbox One. Ça n'a pas eu lieu, bien sûr. Un nouveau prototype nommé Room Alive a été donc dévoilé la semaine dernière lors de la conférence User Interface Software and Technology qui s'est tenue à Hawaï, aux États-Unis. Toujours présenté comme un proof of concept, donc une preuve que ça se fait. Une démonstration de faisabilité, finalement. Room Alive reprend le principe d'Illumiroom en l'étendant à l'intégralité d'une pièce qui se transforme en écran interactif. Room Alive utilise non plus un, mais 6 capteurs Kinect reliés à autant de vidéoprojecteurs. Les appareils sont disposés au plafond et orientés sous différents angles afin de couvrir l'intégralité de l'espace pour faire du mapping vidéo. Le système utilise les capteurs Kinect pour percevoir la forme d'une pièce afin de projeter la vidéo sur cette géométrie tout en suivant les mouvements de tête des joueurs afin d'adapter l'image à la perspective ressentie par chacun. On voit mal comment ce concept pourrait aboutir à un produit grand public, bien évidemment, surtout pas abordable et surtout pas simple à installer. Par contre, Room Alive pourrait bien préfigurer l'avenir des salles de jeux vidéo totalement immersives. Ça pourrait être le genre de retour des arcades, si on veut. Dans l'article scientifique consacré à ce projet, publié sur ACM Digital Library, Microsoft Research indique envisager de poursuivre le développement de Room Alive en travaillant notamment sur la prise en charge de plusieurs utilisateurs avec leurs points de vue respectifs et sur la spatialisation du son afin d'augmenter le sentiment d'immersion. C'est le genre de choses que j'aimerais tellement essayer n'importe quand. Room Alive par Microsoft. Maintenant, un parapluie du futur qui vous protège de l'eau en créant un bouclier d'air. Des ingénieurs et designers chinois ont lancé une levée de fonds sur Kickstarter pour permettre à un projet de voir le jour. Issu des écoles d'aéronautique de Nankin et Pékin, l'équipe travaille actuellement à la création de parapluies qui utilisent l'air comme protection contre les intempéries. Le haut du parapluie souffle un bouclier d'air qui vous protège en vous laissant profiter de la vue. Une perspective qui enthousiasme visiblement déjà de nombreux internautes. L'équipe a récolté plus de 28 700 $ canadiens, oui, soit plus de 14 000 $ de plus que ce qu'ils réclamaient finalement. Il existe déjà 3 prototypes fonctionnels du parapluie Air. Un petit modèle qui mesure 30 cm de long et pèse 500 g avec une batterie de 15 minutes. Un parapluie de format classique de 50 cm de long, 800 g, 30 minutes. Et finalement, le modèle plus grand qui est manche réglable, 50 cm replié, 80 cm déplié. Voilà. Ça parle pas de la batterie. Ces 3 modèles ont été testés avec succès. L'équipe d'ingénieurs reconnaît toutefois qu'ils peuvent encore être améliorés. Ils se donnent donc 10 mois pour commencer à commercialiser ces parapluies du futur. La frénésie d'objets connectés, dynamisée par les possibilités offertes par le financement participatif à la Kickstarter, permet de mettre la main sur des appareils parfois très improbables. C'est le cas du ClickStick, un désodorisant en français. Les Français ne savent pas que c'est désodorisant. Connecté, donc, qui vous évite de sentir sous les bras. Gilad et Carla, 2 ingénieurs diplômés en génie mécanique et en aérospatial, ont décidé de conjuguer leurs talents au nom d'un désodorisant connecté. Ainsi est né ClickStick, un stick de déo intelligent et rechargeable. Connecté à une application mobile, ClickStick mesure les habitudes de l'utilisateur, l'alerte quand la quantité de désodorisant est basse et lui permet de commander des recharges par l'intermédiaire de son téléphone intelligent. Le stick s'allume lorsque son bouchon est enlevé et il est possible de choisir parmi une multitude de recharges supplémentaires. On le voit sur les photos, le stick peut être bleu, rouge, vert, peu importe. Le côté économique d'un tel produit est mis en valeur par ses créateurs puisque les recharges sont présentées comme étant moins coûteuses que des bâtonnets désodorisants classiques, sans compter que la démarche permet de réduire la consommation de plastique. Bien sûr, ça, c'est en effet un avantage assez considérable. Les piles qui alimentent le ClickStick lui délivrent une année complète d'autonomie, donc pas besoin de le recharger à tous les soirs, comme je disais comme gag en intro. Là, tellement drôle, j'ai oublié de charger mon désodorisant. Le déo connecté est actuellement en financement sur Kickstarter où il connaît un démarrage prometteur en ayant récolté plus de 18 000 $ en 2 jours sur les 55 000 espérés. Et la livraison du produit ne devrait pas débuter avant mai 2015, tandis que la commercialisation plus large débutera en juin de la même année. Moi, j'imagine de passer dans un magasin grande surface, un peu comme présentement avec les nouveaux rasoirs de Gillette. Là, quand tu passes devant, t'as un détecteur de mouvement, puis ça se met à raser partout. Tu sais, ça arrête pas, t'as comme zi, c'est fatigant. J'ai peur de passer, puis il va y avoir les désodorisants qui vont faire ça aussi. Ça va être juste tellement désagréable. Le spécialiste des moyens de paiement Mastercard annonce avoir signé un partenariat avec la société Swipe afin de mettre en place une carte bancaire dotée d'un lecteur d'empreintes digitales. Les dispositifs de reconnaissance biométrique se démocratisent peu à peu. Après les ordinateurs, les téléphones et les tablettes, voici que font leur apparition au sein de nos portefeuilles, les cartes de crédit, biométriques. La société Mastercard explique avoir conçu une carte bancaire dotée d'une puce NFC, la Near Field Communication, mais surtout d'un capteur d'empreintes digitales fabriqué par Swipe. Lorsque la carte est configurée, les données relatives aux empreintes digitales sont directement stockées sur la carte et non pas au sein d'une base de données qui pourrait être hackable éventuellement. Ce ne serait pas sur une base de données sur laquelle viendraient se connecter les terminaux de paiement. Si pour l'instant les puces NFC autorisent les contacts sans paiement sous un plafond de, mettons, 10$, des fois ça peut être plus ou moins ça. D'habitude, on peut passer une puce NFC lorsque c'est un petit montant. La technologie de Swipe remplacerait le code PIN NIP, NIP, peu importe comment vous appelez ça, et ça va vous permettre de faire n'importe quelle transaction, même avec un gros montant, avec votre empreinte. Pour l'instant, le prototype nécessite l'intégration d'une batterie, mais Mastercard explique que Swipe planche sur une carte ne nécessitant pas d'alimentation. Cette dernière sera disponible l'année prochaine et fonctionnera avec l'ensemble des terminaux équipés d'un récepteur NFC, qui vont être en passant de plus en plus populaires, les lecteurs NFC, étant donné Apple et son entrée avec dans le domaine avec Apple Pay. Le chanteur des Black Eyed Peas, Will.i.am, a levé le voile en détail sur sa montre connectée, une montre à tout faire qui sera vendue en fin d'année dans quelques pays. Will.i.am est un féru de mode et de technologie. En fait, c'est même le gars qui aime beaucoup la saveur du jour, comme on peut dire. Et sa montre connectée cherche à jouer sur les deux tableaux. Tableau entre mode et technologie, j'imagine, oui. Baptisé Pulse, P-U-L-S, elle mise sur un design épuré en forme de gros bracelet dans lequel un écran tactile incurvé prend place. Je dirais un gros bracelet vraiment, vraiment laid. Côté spécification, on trouve... Côté spécification, on trouve un processeur Snapdragon, 1 GB de RAM, 16 GB d'espace de stockage, une puce GPS, un podomètre, un accéléromètre, des connectiques Wi-Fi, Bluetooth et 3G. Elle est par ailleurs propulsée par une version modifiée d'Android. Sur la scène de la conférence Dreamforce où il a dévoilé la Pulse, Will.i.am n'a cessé de répéter qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une montre, car les montres connectées ne prennent généralement pas en charge les cartes SIM. C'est la particularité de la Pulse qui fonctionne en totale autonomie de tout téléphone cellulaire. C'est ça qui est vraiment intelligent. Elle permet de passer des appels téléphoniques, d'envoyer des SMS et des mails, d'écouter de la musique, mais également de mesurer le nombre de pas quotidiens de l'utilisateur comme tout bon bracelet se doit de nos jours. Will.i.am ne s'est pas étendu sur l'autonomie de la batterie de sa non-montre. Il a cependant présenté des vêtements intégrant eux-mêmes une batterie capable de recharger la Pulse tant que cette dernière reste en contact avec le bout de la manche. Tu vois, c'est quand même pas si mal. La montre Pulse n'a pour l'heure ni de date de sortie définitive ni de prix. On sait cependant que les opérateurs AT&T et O2 la proposeront à son lancement, respectivement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Allez voir la montre. La montre en tant que telle, je la trouve quand même belle, même que c'est mon genre. Je trouve que c'est plus beau que l'Apple Watch en tant que telle, mais c'est l'interface utilisateur que je trouve vraiment boboche. J'ai regardé les vidéos un petit peu, c'est pas super mignon. Mais bon, encore une fois, c'est juste le logiciel et ça peut être changé facilement. Si le matériel est là, le matériel, c'est sûr que ça change pas, hein, c'est à moins d'acheter un autre. Maintenant, Stepin, une nouvelle application pour Android et iOS dont la promesse est double. Offrir de petits cadeaux aux visiteurs d'un magasin, mais sans qu'ils achètent rien et générer du trafic en boutique. Le 29 septembre, Shopkick se faisait racheter 200 millions de dollars par l'opérateur télécom sud-coréen SK Telecom, quatrième application de la catégorie e-commerce la plus téléchargée des États-Unis, toutes plateformes confondues, et première pour le temps passé. Elle est utilisée par 6 millions de personnes qui, lorsqu'elles se rendent dans des magasins, reçoivent des kicks échangeables en cadeaux. En récompensant les visiteurs lorsqu'ils pénètrent dans une enseigne, Shopkick a généré 35 millions de visites additionnelles en 4 ans et 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Quand le frère du fondateur de Viadeo Stepin en 2012, inspiré de ce modèle et qu'il l'a présenté aux investisseurs, ces derniers ont été emballés. Ensuite, donc, ils ont mis 600 000 euros au pot. Et avec un tel soutien et grâce à un bon réseau, Stepin a rapidement gagné en crédibilité auprès des enseignes qui ont aussi joué du bouche à oreille. Là, évidemment, c'est rempli de détails dans l'article que je vous laisse aller voir, mais quand même, la solution, donc, faire que les gens entrent dans vos boutiques alors que vous n'avez même pas besoin de rien acheter, mais au moins vous voyez des produits, peut-être que vous allez en parler à quelqu'un d'autre. C'est probablement le futur, un peu comme les beacons de Apple qui vous envoient des informations lorsque vous arrivez proche d'un magasin. Peut-être avez-vous déjà croisé le petit icône sur le coin de votre appareil iOS. Lorsqu'on passe, bon là moi j'ai l'exemple du Apple Store parce que c'est mon magasin que j'aime bien gros, mais tu passes devant Apple Store, tu as un petit icône Apple Store dans le coin de ton écran, tu peux swiper pour aller, tu peux glisser ton doigt pour aller voir les informations. Le beacon Action fonctionne très bien aux États-Unis. Il y a plein d'endroits qui ont ça. Et tu passes, mettons, devant un magasin d'électronique, tu as un petit compte qui apparaît, tu swipes dessus, tu regardes les rabais et tu entres dans le magasin. Donc, je pense que c'est une bonne façon, côté marketing, d'attirer des gens dans des boutiques que les gens ne fréquenteraient pas d'habitude. On se comprend. Facebook veut rassurer vos proches après une catastrophe naturelle. Excellente idée, le réseau social en ligne Facebook. Moi, merci de préciser le réseau social en ligne parce que j'aurais pensé à un réseau social dans la vraie vie. A dévoilé donc son nouvel outil Safety Check, qui permettra à ses utilisateurs de rassurer leurs amis et leurs familles sur leur situation en cas de catastrophe naturelle. L'outil est basé sur un système développé après le tremblement de terre et le tsunami au Japon en 2011. C'est un moyen simple et facile de dire qu'on va bien et de vérifier comment se portent les autres. L'outil sera activé automatiquement après une catastrophe naturelle et Facebook va déterminer ceux parmi les utilisateurs qui se trouvent dans la zone affectée sur la base de la ville qu'ils ont indiquée dans leur profil, de la dernière localisation où ils se sont enregistrés ou de la ville où se trouve leur connexion Internet présentement. Le réseau social leur enverra alors un message leur demandant comment ils vont. Les utilisateurs vont pouvoir décider de cliquer sur « Je vais bien » et des mises à jour de leur statut vont être envoyées à leurs contacts sur le réseau. Ils vont aussi pouvoir rectifier leur localisation si Facebook s'est trompé. L'outil va être disponible au niveau mondial et compatible avec les systèmes d'exploitation mobile Android de Google et iOS d'Apple, avec des téléphones portables de base ainsi qu'avec les ordinateurs classiques. Moi, ce que je me demande, c'est que, bon, tu peux dire « Je vais bien ». Si tu cliques sur « Je vais bien », OK, parfait, les gens sont au courant que tu vas bien. Si tu vas mal, je pense qu'on devrait peut-être intégrer une fonction d'urgence, genre envoyer un message aux autorités, aux pompiers, ou je sais pas. Ça pourrait être genre « Je suis vivant, mais j'ai une jambe manquante ». Ça pourrait être ça. Il y a plusieurs options qui, j'imagine, vont venir avec le temps. Mais pour l'instant, c'est assez la base. Mauvaise nouvelle du moment, c'est Twitter qui va reconfigurer le flux de ses messages selon leur pertinence. C'est quelque chose que je déteste depuis que Facebook l'a fait, mais au moins Facebook a encore l'option de voir les nouvelles en temps réel. Non, pas, en fait, pas en temps réel, parce que ça passe pas tout ce qu'il y a à voir. Là, ça laisse dans le petit bulletin de nouvelles qui passe en haut à droite en défilement accéléré. Là. Mais ta page d'accueil en tant que telle, il manque pas mal d'affaires dedans. Mais au moins, c'est en chronologique. À la place d'être juste par ordre de priorité, la priorité de Facebook et la mienne ne sont pas nécessairement la même. Donc, parlons de Twitter qui a annoncé qu'elle allait, la compagnie, reconfigurer son flux de messages en fonction de la pertinence et non de leur chronologie. Un changement qui le rapprochait donc de Facebook. Le flux des messages consultés par les utilisateurs pourrait ainsi comprendre des messages que ces derniers n'avaient pas demandé de suivre et les abonnés n'auront pas le choix de revenir au flux chronologique. Le réseau social, qui s'est basé sur des réponses jugées positives de tests, s'inspire de Facebook en utilisant un logiciel qui permettra de conserver ce que les utilisateurs voient en fonction de leurs intérêts et de leurs activités. Ce projet contesté par les utilisateurs reste une expérimentation et ne devrait pas concerner 100% des utilisateurs. S'il y a beaucoup de monde qui se plaignent, ils vont juste revenir à leur ancienne façon de faire. Les tests ont montré que beaucoup de gens aimaient voir des tweets de comptes qu'ils ne suivaient pas. Je suis tellement pas d'accord avec ça. Condition que ces comptes soient considérés comme valables sur la base de leur popularité. Non, c'est pas parce que c'est populaire que c'est bon. Si c'est populaire dans mes cercles d'amis, si c'est mes amis qui partagent telle affaire, montre-moi-le, c'est correct, j'imagine qu'ils ont les mêmes goûts que moi, tu sais. Moi, j'aime pas ça me faire filtrer mon contenu. J'ai toujours été... Pitch-moi la hose, tu sais. J'aime la fire hose, le principe du gros boyau de pompier. Arrose-moi, puis je vais prendre ce que je veux là-dedans, tu sais. Mais bon. Apple et Facebook qui vont rembourser la congélation de vulve de leurs employés. Peut-être avez-vous entendu parler de celle-là. J'avoue que c'est une des nouvelles un petit peu plus mainstream qu'on a cette semaine. Mais bon, la grossesse... peut-être perçu chez certaines femmes comme un frein à leur carrière professionnelle et deux géants de la Silicon Valley souhaitent offrir à celles-ci plus de flexibilité. Selon NBC News, Apple et Facebook ont tous deux annoncé la mise en place d'un programme visant à offrir plus d'options à leurs employés qui planifient avoir un nouvel enfant, c'est-à-dire payer pour la congélation d'ovules ou encore l'ovocyte pour les lecteurs européens, pour les auditeurs européens. Pourquoi est-ce que j'ai lu cette partie-là? J'en ai aucune idée. Facebook a déjà, je ne savais pas que ça existait, l'ovocyte. Eh bien, Facebook a déjà commencé à rembourser la pratique auprès de ses employés et Apple commencera à faire la même chose à partir du mois de janvier. Les entreprises s'engagent à couvrir jusqu'à 20 000 $ américains de frais pour ce traitement qui permet aux femmes de reporter leur grossesse à plus tard. Dans un milieu où l'on retrouve encore deux fois plus d'hommes que de femmes, il va de soi que ces entreprises cherchent à atteindre un meilleur équilibre. Concilier une carrière à haute responsabilité et avoir un enfant est toujours quelque chose de très difficile à accomplir, disent-ils. En fait, dit la fondatrice du forum eggsurance.com. Sans surprise, les réactions à cette nouvelle sont nombreuses. Certaines personnes y voient un avantage pour les femmes en recherche d'emploi dans ce secteur, sans parler du fait que la mesure pourrait avoir un impact sur la rétention d'un employé travaillant sur un projet en cours. Ça, c'est clair. On a entendu mille fois des gens qui sont partis, des femmes principalement, hein, qui sont partis en congé maternité pour ne jamais revenir, pas par leur propre choix. T'sais. Donc, les réactions, c'est ça, nombreuses. D'autres estiment que cette décision démontre une fois de plus à quel point carrière et maternité sont incompatibles aux yeux de certains employeurs. Par la bande, ces derniers sont donc à risque d'exercer un certain contrôle sur le corps des femmes en gérant de manière indirecte la planification de leur grossesse. Tout à fait. Énormément de détails sur assemblagerequis.com pour la suite de l'article. Une Gatinoise obtient gain de cause auprès d'Apple après avoir perdu son agenda électronique. Une Gatinoise, qui poursuivait à la cour des petites créances le géant américain Apple pour une somme de 13 400 $ a finalement reçu un dédommagement à la suite d'une entente à l'amiable. Le 16 septembre 2013, la psychologue Claire Maisonneuve avait perdu son agenda électronique en ouvrant son compte d'utilisateur à partir d'un appareil iPad. Plus rien n'apparaissait sur son téléphone intelligent iPhone ni sur son ordinateur MacBook. Ayant de la difficulté à gérer ses rendez-vous à la suite de cette perte, Mme Maisonneuve affirme avoir perdu des clients durant les mois qui ont suivi. Elle estime avoir subi des pertes de revenus d'environ 13 000 $. Au complément de justice de Gatineau, le juge a souligné les points forts et les faiblesses dans l'argumentation de Mme Maisonneuve et dans celle de l'avocat d'Apple. Il y avait 15 minutes environ pour se faire entendre parce qu'un procès coûte très cher, nous disent-ils. Claire Maisonneuve a finalement eu ce qu'elle demandait. Sûr que c'était pas un énorme montant. Je cite, « Je voulais qu'Apple surclasse mes appareils et qu'il me donne une... Je veux un iPhone 6 Plus. Qui me donne une garantie prolongée de 2 ans sur chacun de mes produits et qu'il me donne un cours individuel pour une période de 2 ans. La multinationale lui donnera notamment une formation sur la façon de sauvegarder ses rendez-vous. Il va lui donner un cours sur comment faire des backups. Non, mais quand même, faut se dire, les backups, c'est la vie. En fait, si t'as pas de backup, c'est la mort de tes projets. C'est pas mal ça. Mais ça, je pense que, je veux dire, c'est assez... C'est une connaissance de base en informatique. Si tu fais pas de backup, si tu te fies sur le nuage, probablement que tu vas à un moment donné faire une gaffe. Ou que la compagnie va faire une gaffe. Je veux dire, il n'y a aucune garantie là-dedans. Mais bon, je ne veux pas m'acharner contre cette gentille dame. Elle a quand même eu ce qu'elle voulait. Et puis, c'est sûr qu'en tant que telle, c'est un bug de la compagnie. Que la compagnie mérite une certaine punition, peut-être. Mais bon. La fin de la saga Resident Evil au cinéma se poursuivra sur le petit écran. À Cannes se tenait le MIPCOM 2014, le marché où se négocient les futurs contenus audiovisuels. Et c'est lors de cette première journée que la société de production allemande Constantin Film a annoncé qu'elle allait produire une série télé basée sur la licence à succès de Capcom Resident Evil. Populaire et très appréciée des joueurs, la série de jeux Resident Evil s'étend actuellement sur 6 épisodes. Le succès des jeux a bien entendu attiré l'attention des producteurs de cinéma et ce ne sont pas moins de 5 films, mettant en vedette la jolie Mila Jovovich, qui sont sortis dans les salles obscures entre 2002 et 2012. Le 6e et dernier film, Resident Evil The Final Chapter, est quant à lui prévu pour le courant de l'année 2016. La série télé devra relever 2 défis. Le premier sera celui d'arriver à tenir en haleine un public qui a de très fortes probabilités de carburer en ce moment à la série The Walking Dead, dont la 5e saison vient tout juste de commencer et qui semble proposer toujours plus de violence et de gore. Le second sera celui de passionner les joueurs, alors qu'il est déjà prévu que la série soit la suite de la saga cinématographique et non une adaptation des jeux de Capcom. Il va donc falloir encore patienter un bon moment, puisque la série ne devrait pas voir le jour au mieux avant 2016, selon la date de sortie du film. Et on ne sait pas encore non plus pour le casting. Est-ce que Mila va être là-dedans? On ne croit pas. Donc voilà pour le bloc CNX. Allons-y avec les jeux les plus loués en club vidéo. Position, on y va comme depuis quelques semaines avec les jeux et non les positions, étant donné que les jeux se répètent sans cesse. Donc en 10e place se retrouve NHL 15 sur la PS4, en 8e sur Xbox 360. On passe ensuite à Destiny en 9e place sur Xbox 360, en 7e sur PS3, en 6e sur PS4. On saute à Middle Earth Shadow of Mordor, qui est sur Xbox One, en 5e place et sur PS4 en 2e place. Forza Horizon 2 est sur Xbox 360 en 4e place et Xbox One en 3e. Et finalement, le numéro 1, c'est le même que la semaine passée, Super Smash Bros. For Nintendo 3DS sur la Nintendo 3DS, bien sûr, avec leur très original titre de ce côté-là. Voilà pour CNX. Et toujours après CNX, c'est le segment ailleurs, bientôt, dans, bien sûr, dans. C'est bientôt sur vos écrans. C'est pas ça, pantoute, je te dirais. C'est même loin d'être ça. C'est plus proche d'être ça ici. Voici les nouveautés en magasin pour la semaine du 19 au 25 octobre 2014. Sur PC, sortait lundi le 20 octobre le jeu Metroside, un jeu d'action furtif vu d'en haut, où on joue le personnage de TJ Trench, un tueur à contrat dans une ville futuriste. Night Adventure sort sur PC, Quantum Rush Champions et Abababoom sortent sur PC aussi, j'adore Abababoom. Mardi 21 octobre sort Dreamfall Chapter sur le PC, ça continue et conclut l'aventure de Zoe Castillo, qu'on appelle aussi The Dreamer. Shadow Warrior sort sur PlayStation 4 et Xbox One, c'est un remake d'un film classique, Shooter de 3D Realms, c'est coté 7, bon, selon GameSpot. Fantasia Music Evolved, un jeu de musique et de mouvement inspiré par les films animés de Disney. C'est coté 8, great, selon GameSpot. Toujours la difficulté à traduire ce mot-là. Ensuite, Race to the Sun sur PS4, PS3 et PS Vita. Ça sort là. C'est un jeu d'action intense où on évite des obstacles à haute vitesse. C'est côté 8 great selon GameSpot. Escape Goat 2 sort sur PlayStation 4. Un jeu de plateforme puzzle. C'est côté 7 selon GameSpot. Ça a l'air bon. Samurai Warriors 4 sort sur PlayStation 3, PS4 et Vita. C'est un jeu d'action tactique avec 55 nouveaux personnages, oui. Personnages nouveaux ou améliorés ou mis à jour. Just Dance 2015 sort sur Xbox One, PS4 et Wii U. C'est évidemment la suite de Just Dance 2014 et des autres versions avant. Le jeu de danse. Fluster Clock. Oh wow, quel jeu de mots incroyable! Fluster Clock, c'est un jeu de mots avec Clusterfuck. Donc c'est un dual stick shooter qu'on appelle, donc un shooter qu'on joue avec les deux joysticks de sa manette. C'est côté 3 mauvais selon GameSpot, mais à cause du nom, j'ai envie de jouer pareil. The Walking Dead Season 2, a Telltale Games Series, sort sur Xbox One et PlayStation 4. On a parlé la semaine passée, il sort juste sur d'autres consoles. C'est côté 9 superbe. The Legend of Korra sort sur PS4, PS3 et PC. C'est un jeu d'action à 3e personne. C'est côté 3 mauvais selon GameSpot. Screen Cheat sort sur PC, F1 2014 sur PS3 et Xbox 360, Time Rifters sur PC, The Voice I Want You, jeu basé sur la série à succès La Voix, mais version américaine, sort sur PC, sur PS3, Xbox 360, Wii U, Wii et autres bacs de recyclage près de chez vous. Need for Speed Rivals Complete Edition sort sur PS4, PS3 et Xbox One. Entre autres, c'est côté 8 génial. C'est un jeu de course, bien sûr. Need for Speed, pas besoin de le présenter. Devil's Dare sort sur PC. Poltergeist Pixelated Horror sort sur PC. Battlefield 4 Premium Edition sort sur PC. C'est un shooter à la première personne, côté 8. Red Goblin Cursed Forest sur PC. Endurance Sky HD sur PC. Ensuite, on va à mercredi. The Legend of Korra sort sur Xbox One et Xbox 360. On a parlé un petit peu tantôt. C'est côté 3 mauvais. Death Trap sur PC. C'est un jeu d'action RPG, Tower Defense et autres trucs que j'aime pas vraiment. Prop Hour 23 sort sur PC. Jeudi 23 octobre sort Shantae and the Pirate's Curse. Ça, c'est vraiment une très très bonne série. Une série très très sous-estimée. C'est bien estimé par la critique et par les fans, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui joue à ça, la série Shantae. S-H-A-N-T-A-E. C'est un jeu de plateforme, c'est vraiment cool. C'est sur 3DS et sur Wii U. Ensuite, sort sur 3DS. Voilà, Castle Conquer EX. Squishy the Suicidal Pig sort sur PC. Le cochon suicidaire, wow. Korg DSN 12, un jeu de clavier et de musique électronique, sort sur 3DS. Secret Journeys Cities of the World sort sur 3DS. Vendredi sort Bayonetta 2, la suite de Bayonetta sur Wii U. Bayonetta très, encore une fois, apprécié par les joueurs et par la critique. Les deux en même temps, c'est côté 10, c'est même côté essentiel selon GameSpot. Bayonetta 2 à recommander pour tout le monde. Ensuite de ça, on retrouve Sid Meier's Civilization Beyond Earth qui sort sur PC. Une expédition sur la Terre, explorer de nouveaux territoires, coloniser une planète extraterrestre, etc. Pokémon Art Academy sort sur 3DS. Les joueurs vont rencontrer leurs Pokémon préférés de partout dans la série, comme Pikachu, Oshawott, Charizard, Torkic, Fletchling et Fennekin. Fantasy Life sort sur Nintendo 3DS et côté 6 correct, selon GameSpot. Bayonetta 1 ressort sur la Wii U, je crois qu'il ressort, je crois que c'est une réédition en fait. C'est côté 8, génial selon GameSpot. Donc imaginez-vous, Bayonetta côté 8, Bayonetta 2 côté 10, essentiel. Procurez-vous les deux, puis faites une belle fin de semaine. Ensuite, Sign Motion sur PC sort et on est rendu à samedi. Il n'y a plus rien, le reste est en Europe. Voilà, c'est tout. Allez voir le lien vers toutes ces nouvelles sorties sur assemblagerequis.com. Tout y est, bien sûr. Ceux qui cherchent, c'est l'épisode 62 sur assemblagerequis.com. Mais c'est toujours le premier sur le bord, hein? C'est, la vie est belle, hein? C'est le premier sur le bord. Voilà pour le segment bientôt sur vos écrans. Retournons en chiptune. On va entendre Shapeshifting Ninja Cat par Salazar tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou. quatre. FaceTime Metro par Metatronaut de son futur album Waveform Warrior que vous pouvez télécharger sur assemblagerequis.com, bien sûr. Maintenant, on parle de choses qui sont vraies. Véridique, véritable et vérifiable. C'est un fait, Tech Edition. Oh non, faut que je sorte avec un... C'est un fait. Je rume pas tant que ça. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. On va essayer de faire ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Commençons par le 13 octobre. En 1884, les géographes et astronomes ont adopté Greenwich comme prime meridian, donc c'est devenu leur standard, 0 degré de... pas leur standard, pardon, mais le standard pour la longitude à 0 degré. Et aujourd'hui, l'observatoire de Greenwich, qu'on appelle des fois Greenwich, va tirer un laser vers le nord la nuit pour indiquer où est la ligne méridienne, donc c'est pas un laser dangereux, bien sûr. En 1983, Bob Barnett, président de l'Ameritech Mobile Communications, a appelé Alexander, le neveu d'Alexander Graham Bell à partir d'un de l'endroit nommé Soldier Field à Chicago en utilisant un Motorola Dynatac. Okay? C'était le lancement du premier réseau de téléphones cellulaires aux États-Unis. C'était en 1983. En 2000, Tristan Lewis a suggéré des étiquettes sonores pour le son et pour la vidéo qu'on ajouterait aux spécifications des flux RSS à partir de la version 0,92. Ça a mené à ce qu'on appelle les enclosures, ce qui permettait à des fichiers médias d'être livrés via RSS, téléchargés automatiquement. C'est devenu plus tard les podcasts ou les balado-diffusions. Le 14 octobre, en 1977, l'Atari 2600 est sorti en Amérique du Nord. C'était disponible dans plusieurs magasins Macy's et Sears à partir du 11 septembre, mais quand même partout ailleurs le 14 octobre 1977. Le 15 octobre maintenant, 1878, l'Edison Electric Light Company a commencé ses opérations, a débuté. Plus tard, ils allaient devenir un petit peu plus général, hein, généraux, parce qu'ils sont devenus, en fait, c'est une partie significative de ce qui est devenu General Electric. En 1956, Fortran, le premier langage d'ordinateur moderne, a été partagé avec le public pour la première fois. L'IBM Mathematical Formula Translating System de John Backus a fait de lui une légende. Ça a démarré la programmation moderne et c'est toujours en ce moment développé par le Fortran Standards Technical Committee. Le 16 octobre 1923, le distributeur M.J. Winkler a été mis sous contrat pour distribuer The Alice Comedies. Donc, ça a marqué le début du Disney Brothers Cartoon Studio, qui plus tard a changé son nom pour Walt Disney Company à la suggestion de Roy. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose après cette date, donc le 16 octobre 1923, sorte de ses copyrights. Il va toujours y avoir un renouvellement de copyright pour absolument tout ce qui a touché cette compagnie-là. Le 17 octobre 1907... Guglielmo Marconi, sa compagnie en fait a lancé le premier service de radio commerciale sans fil et le Canada a été l'endroit où a débuté une nouvelle technologie. À Glace Bay en Nouvelle-Écosse, on a été capable de transmettre jusqu'à Clifden en Irlande. Le service a été utilisé pour un service de télégraphe transatlantique. En 1990, le colonel Needham a posté un ensemble de logiciels sur le forum de discussion rec.arts.movies qu'il a appelé à ce moment-là rec.arts.movies Movie Database. Donc, c'est une liste de films qui était cherchable. Plus tard, ça a déménagé sur le web en 92 et c'est devenu imdb.com, le site où on va quand on se demande « Hey, tel acteur, t'es dans quoi? C'est qui déjà ce gars-là? Il a joué dans une autre émission? » Ben, c'est là que tu le sais, imdb.com. En 2013, Microsoft a sorti Windows 8.1, une mise à jour gratuite de Windows 8 qui, parmi tout plein d'autres améliorations, ramenait le menu démarrer. Donc, c'était en 2013, ça fait juste un an environ de ça. Le 18 octobre 1922, six compagnies de télécommunications se sont rassemblées, regroupées pour fonder le British Broadcasting Company, là, sûrement British Broadcasting Company, pour pouvoir fournir des diffusions radio en Grande-Bretagne. La compagnie privée a plus tard été remplacée par une compagnie non commerciale qui est British Broadcasting Corporation ou la BBC en 1927. En 1985, Nintendo présentait pour la première fois la Nintendo Entertainment System ou la NES au magasin F.A.O. Schwartz de New York. Un petit jeu obscur nommé Super Mario Brothers est sorti le même jour. La NES était la version nord-américaine de la Famicom qui était vendue au Japon. Donc, quand vous voyez Famicom sur Internet, ben, c'est la version japonaise de la NES qu'on connaît ici. Il y avait eu un petit test à New York. Donc, la même année, j'imagine, en 1985, éventuellement, ça a été distribué partout sur le continent. C'est devenu un classique du 8-bit. Et finalement, le 19 octobre, en 1832, Samuel Morse a conçu le premier système de télégraphe électrique. Au moins, c'est ce qu'il dit, en tout cas. Il dit que c'est le jour où il y avait pensé dans les différents textes, différents peut-être journaux intimes de Samuel Morse. Il a déterminé que c'était le 19 octobre 1832 qu'il avait eu l'idée du premier système de télégraphe électrique. Voilà. Pour C'est un fait Tech Edition, cette portion, du moins, en fait, je pense qu'on va devoir, ouais, on va devoir arrêter là, malheureusement. J'ai plein de faits sur les jeux vidéo, je les garde pour la prochaine fois, parce qu'on doit se rendre à notre superbe segment musical en concert, qu'on aime tant depuis, je dirais, le début du mois d'octobre, peut-être même la fin du mois de septembre. On écoute Legacy Game Boy 25th Anniversary, un album fondé par Will Rock et The Damned, qui ont plus tard passé le bâton à Brandon Strader et Turnabog. On remixe de la musique de différents jeux de Game Boy. En fait, plusieurs développeurs de jeux vidéo ont été inspirés par Gunpei Yokoi, qui était le premier créateur visionnaire du Game Boy et qui a amené le début du futur des consoles de jeux vidéo portables. Son album, donc, est en hommage à cet homme. pour le 25e anniversaire Legacy Game Boy 25th Anniversary. C'est le 49e album gratuit distribué par Overclocked Remix. Ça en fait des tonnes qu'on passe à l'émission parce que je dois vous dire que je trouve qu'ils font du très bon travail de sélection, ces gens-là. Donc, on va écouter aujourd'hui les pièces 10, 11 et 12, ça va être l'avant-dernière partie. Il nous reste 3 pièces qu'on va entendre la semaine prochaine. Donc, dans ce bloc, il y aura un hommage à une chanson de Donkey Kong Land. Ça me touche. Moi, vous savez comment je suis un fan de Donkey Kong. Et à la fin, pour les fans de Pokémon, il y aura Pokémon Red Version Battle. Mais on débute avec une pièce qui provient du jeu Smurf's Nightmare. Basée sur The Mysterious Planet, voici Dream Boy par The Guitar Hero. Tout de suite, au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Thank you. c'était Banana Aqua, basé sur Donkey Kong Land, Kremlantis Submerged par Rexy, précédé de la pièce Dream Boy, basée sur Surf's Nightmare, The Mysterious Planet par The Guitar Hero et Your Daily Water. Il y a une petite confusion entre les deux sources du site web où Legacy Game Boy 25th Anniversary existe. Donc, il y a gameboy25.oserious.org qui m'a fourni cette galerie d'MP3 avec l'ordre correct. Sur un autre site, il y avait une version différente. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il y aurait une pièce de Pokémon. Ça va être la semaine prochaine, malheureusement. La semaine prochaine, on entendra des pièces basées sur Pokémon, sur Legend of Zelda et Tetris, entre autres. Donc, quatre pièces pour terminer l'album Legacy Game Boy 25th Anniversary que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui du Mathieu Plante Show. On se retrouve la semaine prochaine en direct, les mardis entre 13h et 15h. On repasse les jeudis entre 16h et 18h. Je vous retrouve avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Et avec Jean-Philippe Charbonneau au Palmarès C'est Fou les mercredis de 14h à 17h. Programmation complète sur CIFO.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balados diffusion sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante ainsi que Samuel Girard. C'était Mathieu Plante et vous avez été planté. À la semaine prochaine.